Yo nana wao, eri upenzi wa simama mpenzi wangu ni yae. Pik pik pik pik trois pas c'est le pas beaucoup pour danser et pour pratiquer la danse manquez les pas. Let's go baraza c'est coué. Embakasi mina kwenda o.